إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 25 dans l'explication du livre الأدلة الشرعية لكشف التلبيسات الحزبية على المجتمعات الإسلامية. Et donc on va commencer donc au point où on était arrivé la dernière fois, c'est le point numéro 12 dans les réfutations des arguments des Hizbiyyin lorsqu'ils veulent défendre l'argument qu'on peut participer à la démocratie. On va voir le 12e argument. C'est قولهم إن المشاركة في المجالس النيابية تحقيق للمصالح الشرعية. Ils disent que le fait de participer dans les chambres des députés ou dans les chambres nationales pour débattre avec les députés et tout ça, ils disent que ça fait partie des biens qui sont indiqués par la charia, des choses qui sont bonnes indiquées par la charia. Avant de rentrer dans ce point-là, il y a juste un point que je voudrais faire, mention par rapport à ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Quand on a parlé de al-maqasid al-shari'a, les objectifs de la charia, on avait expliqué qu'il y avait les trois degrés. On a expliqué qu'il y avait al-daruriyat, on a expliqué qu'il y avait al-hajiyat, et on a expliqué qu'il y avait al-tahsiniyat. Et on a expliqué que c'était parce que parmi les buts de la charia, c'est de défendre cinq parmi les objectifs de la charia, c'est-à-dire de défendre la religion, de défendre la raison, notre intellect, ensuite nos biens, notre honneur, et ensuite également notre vie, bien entendu, notre vie. Donc ça, c'est les choses qu'on doit protéger et qu'on doit défendre, et la charia est venue pour protéger et défendre ces choses-là principalement en premier. Donc on appelle ça les maqasid, les intérêts ou les buts de la charia. Puis il a expliqué que al-daruriyat et al-hajiyat et al-tahsiniyat, j'avais pas les bons termes pour les traduire ou je savais pas comment bien les expliquer. Toutefois, alhamdulillah, j'ai vérifié dans un livre et puis finalement j'ai compris que al-daruriyat, c'est qu'est-ce qui est essentiel pour pouvoir faire en sorte que ces cinq objectifs-là soient atteints et respectés. Al-hajiyat, c'est qu'est-ce qui n'est pas essentiel en soi pour que ces cinq objectifs-là soient respectés, mais que sans elle, ça devient très très difficile de faire respecter ces objectifs-là. Et le troisième, c'est al-tahsiniyat, c'est celles qui ne sont pas essentielles en elles-mêmes pour que les objectifs soient atteints. Puis on peut s'en passer également, c'est-à-dire elles ne sont pas nécessaires, on n'en a pas besoin vraiment, sauf que ça fait en sorte que ça rend plus beau encore et plus facile le respect de ces objectifs. Donc ça, c'est à ce point-là que je voulais clarifier ces différentes choses-là. Donc maintenant, c'est un peu plus clair, Inch'Allah. Il y a un autre point aussi par rapport à qu'est-ce qui se passe actuellement en Palestine et tout ça. Je voulais juste mentionner un point, c'est que d'après ce que j'ai remarqué encore, à chaque fois qu'il arrive quelque chose en Palestine, maintenant depuis des années maintenant, on remarque toujours les mêmes répétitions et les mêmes affaires qui reviennent à chaque fois. À chaque fois qu'il y a les problèmes en Palestine, on est obligé de ramener les questions de manifestation pour expliquer aux gens que ça c'est haram et que on est contre les manifestations, que c'est pas un moyen légal islamique pour dénoncer l'injustice et le mal, et que c'est pas comme ça et que c'est pas de cette manière que les choses doivent être réglées ou on peut montrer notre désaccord, parce qu'il y a des gens qui disent ne restez pas insensibles, ne restez pas indifférents, ne restez pas immobile ou ne restez pas sans rien faire. Et ils s'imaginent que le plus important c'est de faire quelque chose, c'est-à-dire pour eux de faire des manifestations et des choses de ce genre. Et là il y a aussi la question des boycotts des produits. Donc il y en a des musulmans qui parmi les hizbines, ils commencent à envoyer des listes de produits que tu peux plus acheter ou que tu dois pas manger ou des trucs comme ça. Et bien entendu, ils vivent en plein cœur de la société des koufars et toute la société est basée sur ces produits-là. Et par la suite, ils demandent aux gens de boycotter des listes interminables de produits. Et là, ça devient vraiment ridicule à la fin. Donc, on se demande vraiment est-ce que ces gens-là réfléchissent. Comme également une autre chose qu'on constate aussi. Les gens qui font circuler des photos et des images des gens qui se font massacrer ou des gens qui sont blessés ou qui sont morts, etc. Et comme les ulama ont parlé à ce sujet-là, ils disent qu'il ne faut pas que les musulmans diffusent ces photos et ces images. Premièrement, parce que ça leur met la peur dans leur cœur. Deuxièmement, ça montre la faiblesse et ça inspire la peur et la faiblesse dans le cœur des musulmans. Donc il faut les cacher ces choses-là, il ne faut pas les montrer justement. Il ne faut pas montrer nos blessés, nos faiblesses, etc. Quoi d'autre encore aussi? Il y a des appels au djihad, soi-disant de la part de certains individus ou de certains groupes qui pensent que les musulmans sont aptes actuellement à le faire. Et donc, bien entendu, ils se mettent dans une position qui ne leur est pas permis, dans laquelle il n'est pas permis pour eux de se mettre, c'est-à-dire de déclarer ou d'appeler les gens à quelque chose qui se limite uniquement aux musulmans qui sont les dirigeants de la Ummah. Et c'est eux qui décident. Et également les ulama de la Ummah, les plus établis, les plus vieux, les plus ancrés dans la science, ceux qui sont sur la voie des salaf salih, parce que c'est eux qui ont la connaissance et la compréhension de ces choses-là. Quand est-ce qu'il faut le faire, quand est-ce qu'il ne faut pas le faire, quand est-ce qu'on peut, quand est-ce qu'on ne peut pas le faire, c'est à nos ulama de déterminer ça et aux dirigeants, et non pas à des ignorants ou à des gens qui font partie des groupes et des partis politiques islamistes ou non, à décider ça. Puis encore, il y a des insultes qui sont faites de la part des hizbiyyin contre les salafis, contre les gens qui appellent à la sunna, et contre les ulama aussi, dénigrement des ulama, parce que quand on n'est pas d'accord avec leur manhaj, eh bien ils se permettent par la suite de nous dénigrer et de rabaisser les ulama et de les insulter. Donc maintenant, dernièrement par exemple, il y avait la fatwa d'un des ulama qui parlait des démonstrations qui sont faites dans certains pays et des manifestations et qui décrivait ça comme étant du désordre sur la terre. Et certains parmi les hizbiyyins, eux, n'étaient pas satisfaits de cette fatwa et ils commençaient à insulter le cheikh et à accuser les musulmans qui dénoncent ces formes de démonstrations-là. Ils les appellent maintenant des musulmans zionistes, des musulmans sionistes. Donc ça c'est pour dire à quel point ces gens-là, ils ont de l'affront et de l'insolence en eux et aucun respect et du mensonge pour même accuser et insulter les ulama et les musulmans qui sont sur la voie des salaf al-salih et qui suivent leur aqidah et leur manhaj dans la compréhension et dans la pratique. Alors, ça c'est des exemples de qu'est-ce qu'on voit, et ça c'est pas quelque chose qui se produit maintenant seulement, c'est quelque chose qui se produit à chaque fois. Donc on voit que ces gens-là vraiment, ils dépassent les limites. Et nous on sait, et on a toujours su, alhamdoulilah, que la situation en Palestine c'est une situation qui est compliquée et difficile, et elle ne peut pas se régler excepté en revenant aux ulama et en revenant au Coran et à la sunna avec sincérité et fermeté, et en laissant tomber tout ce qui est en opposition avec le Coran et la sunna, c'est la seule façon, et en même temps bien entendu pour nos frères qui sont en train de souffrir actuellement et qui sont en difficulté, notre devoir et notre obligation, c'est de faire ce qu'on peut faire, c'est-à-dire de faire des du'as, de faire des invocations pour les musulmans qui sont en difficulté. Et aussi, yani, de les aider si on peut, en donnant de l'argent par exemple. Mais bien entendu, encore là, il faut faire attention à qui on la donne, il ne faut pas la donner à n'importe qui, parce que bien entendu, il y en a qui en profitent de se remplir les poches chaque fois qu'il y a un malheur qui se passe en Palestine, ramasser de l'argent, et puis ils utilisent ça pour d'autres choses par la suite. Donc il faut faire attention aussi, et il y en a des groupes aussi qui sont des groupes de Hizbiyin, et ces gens-là, ils font toujours tout pour ramasser de l'argent, donc il faut également faire attention à ça aussi. Donc, on retrouve toujours ces choses-là. À chaque fois, c'est la même histoire qui se répète. Et donc, on dirait que les musulmans n'apprennent pas, hein. Certains musulmans, ils n'apprennent pas de leurs erreurs, hein. Ils voient, par exemple, des choses qui se passent, de l'injustice qui se passe, et ils réagissent de façon violente. On a vu, par exemple, des gens parmi le Hamas ou parmi d'autres groupes qui répondent de façon armée, hein, des attaques armées contre les Juifs, alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas capables d'affronter les Juifs militairement, et ils se mettent dans des situations pareilles comme celles qu'on voit aujourd'hui. Donc à cause d'eux, les musulmans aujourd'hui se font massacrer en Palestine. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner de nous pardonner, de nous effacer nos fautes et de nous ramener au droit chemin et à la bonne compréhension de la religion musulmane et de nous ramener à la droiture et de ne pas désobéir hein, au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salaf salih et à nos dirigeants aussi. Donc le chef il commence donc à expliquer le point d'aujourd'hui. On va essayer de compléter le chapitre 3 aujourd'hui, inshallah. Le chef il dit: وقولهم إن المشاركة في المجالس النيابية تحقيق للمصالح الشرعية. Ils disent ça, donc ils disent que c'est pour réaliser ou pour atteindre la réalisation des buts et des intérêts du bien de yani, qui sont inspirés par ou révélés par la charia, les biens qui sont ramenés par la charia. Le chef il dit al-Jawab, il répond à ça. قال شيخ الإسلام ابن تيمية القول الجامع في أن الشريعة لا تهمل لا تهمل مصلحة قط. إن القول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولكن ما اعتقده العقل مصلحة، وإن كان الشرع لم يرد به، فأحد الأمرين لازم له: إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغائبة. وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة. Donc le chef il dit ici, la parole des barakallahu fi kathi, la parole donc de ces gens là au sujet de la question des élections, puis de rentrer dans les élections, ils disent que c'est pour atteindre le but. Ibn Taymiyyah il a répondu à ça. Mashallah, il est à l'aise. C'est comme un roi ici. Mashallah. Ce chat là, il est bien là. Mashallah. Donc le chef il dit on peut répondre à ça par les paroles de Ibn Taymiyyah. C'est une parole qui est apportée dans Majmu' al-Fatawa, le volume 11. La page 344 et 345. Il dit que, qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer toute la question des biens de la charia? C'est que la charia n'a rien négligé de qu'est-ce qui est un bien, de qu'est-ce qui est bien pour les hommes. En fait, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans sa religion, c'est que c'est tout ce qui est bon pour l'humanité. Et cette religion-là que Allah a révélée, elle est complète et parfaite. Il a complété et parfait pour nous sa religion. Et il a complété et parachevé pour nous sa grâce. Donc, il n'y a rien de qu'est-ce qui peut nous rapprocher du paradis, excepté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a transmis. Et il nous a laissé sur la voie qui est blanche et qui est claire. Elle est aussi claire de jour comme de nuit. Que ce soit le jour et la nuit, elle est claire cette voie. C'est comme si c'est une voie éclairée, un chemin éclairé. Que ce soit la nuit ou le jour, elle est c'est la même chose. Elle est tellement claire. Et ensuite il dit, La yaziru anha illa halik. Quiconque s'en détourne ou bien dévie de cette voie, il périt. Hein, c'est obligatoire qu'il doit périr s'il se détourne de cette voie claire. Après, il dit, toutefois, il dit que parfois, quelqu'un peut, en se basant sur sa raison, imaginer que quelque chose est bien, et il croit que quelque chose c'est un bien. Hein? Et puis, yani, la charia n'est pas venue parler de ce bien-là. On n'a pas clarifié ce bien-là selon cette personne. Donc, le cheikh dit que dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Premièrement, il est possible que cette chose-là ait été clarifiée par la charia, mais que la personne, cette personne-là ne l'ait pas compris ou ne l'ait pas réalisé, il ne l'a pas vu. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a déduit par sa raison que telle ou telle chose était bonne. Et elle s'imagine que c'est un bien. Donc il y a deux possibilités. Soit que la charia, elle l'a indiqué déjà, parce que la charia, elle nous a indiqué tout ce qui est bon. Donc la charia, ça se peut que elle nous l'a indiqué, mais lui, il l'a pas vu ce bien-là. Il n'a pas compris que ce bien-là était indiqué dans la charia. Donc c'est à cause de son manque de connaissance de la charia, il pense qu'il a besoin d'utiliser sa raison pour trouver ce bien-là. Alors que le bien, il était déjà mentionné, ce bien-là était déjà mentionné dans la charia, mais il ne le voyait pas. Ça c'est de un. De deux, l'autre possibilité c'est que ce n'est pas un bien, mais que lui il l'imagine comme étant un bien alors que c'est pas ça. Et il croit que c'est quelque chose de bien mais c'est pas le cas. Donc ça c'est deux possibilités. Soit que la charia c'est un bien vraiment en fait, c'est un vrai bien, sauf que il est déjà dans la charia et lui il le savait pas, ou bien qu'en réalité c'est pas un bien mais lui il s'imagine que c'est un bien. Parce que le chef il dit parce que la maslaha c'est quoi? Le mot maslaha, moi je dis le bien, mais en réalité en arabe le mot qui est utilisé c'est maslaha. Et la maslaha c'est quoi? C'est qu'est-ce qui t'amène le bien? Qu'est-ce qui t'amène quelque chose de bénéfique pour toi? C'est ce que le cheikh explique. Qu'est-ce qui t'achète, qu'est-ce qui t'amène quelque chose de bénéfique pour toi, qui soit clair et qui soit là présent devant toi, ou bien qui soit pas devant toi, c'est-à-dire qu'il est absent actuellement, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un bien, tu vois. Donc le cheikh explique, il dit, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que quelque chose est un bien et qui est bénéfique dans la religion ou dans la dunya, alors que c'est en réalité quelque chose de nuisible. Donc des fois tu peux t'imaginer que quelque chose est positif et bien, et en réalité c'est quelque chose qui est nuisible, mais tu ne le vois pas. Et c'est ça le malheur des hommes, surtout aujourd'hui, à l'époque actuelle. Les gens remettent en question beaucoup de choses de la religion et ils s'imaginent que par leur raison et par leur jugement personnel, ils peuvent décider pour eux-mêmes ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Hein? Il y en a beaucoup de gens, par exemple, qui disent « Moi, j'ai pas besoin de religion pour me dire qu'est-ce qui est bien ou pas bien pour moi. Je peux le savoir par moi-même. J'ai mon propre jugement. » J'ai pas besoin d'un dieu ou d'une religion pour me dire ça. Ça c'est la parole des kuffars et des malachidas, des gens égarés qui pensent ça. Toutefois, on voit la preuve et le résultat, qu'est-ce que ça fait dans la société. Des gens qui pensent de cette façon-là, ça fait en sorte qu'il y a toujours des conflits, des désordres. Hein. Parce que c'est bien beau de dire ça sur le plan individuel. Moi je pense que ce que je vois moi c'est ça qui est bien, mais quand tu multiplies ça à différents individus maintenant, et qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent de cette façon-là, eh bien ça commence à devenir vraiment dangereux, parce que là, chaque personne pense que qu'est-ce qui est bien, c'est ce qu'il voit lui, Et imaginez par la suite, ceux qui disent par la suite, ah, il faut soi-disant la démocratie, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, mais imaginez maintenant le dirigeant, lui, qui aussi pense de cette façon-là, hein, lui, il dit, ce que moi je vois, c'est ça ce qui est bon. Hein, ah ben, c'est ça ce qui arrive par la suite, on dit, ah, mais ça c'est, il veut juste suivre son idée à lui, il veut pas que les autres suivent leurs propres idées, ainsi de suite. Parce que les gens veulent pas revenir à la foi et se soumettre à leur créateur. Donc ça crée toutes sortes de conflits et de désordres dans la société. Le chef dit ensuite, ça c'est la fin de la citation, on a terminé. Donc le chef dit, قُلْتُ كَلَامُهُ الْأَخِيرُ يَنْتَبِقُ تَمَامًا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُشَارَكَةَ فِي الْانْتِخَابَاتِ تَحْقِيقٌ لِلْمَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَةِ. Donc le chef dit, la dernière partie de ce qu'il a dit, ça s'applique exactement à cette parole-là, de ceux qui disent que de rentrer dans les parlements, ça fait qu'on va être capable d'appliquer ou de réaliser les biens de la charia, le bien qui est indiqué par la charia. Et cette parole-là en question, c'est que Ibn Taymiyyah a dit, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que quelque chose est bénéfique dans la religion et dans la dunya, alors qu'en réalité, il n'y a pas de bien dedans, mais c'est uniquement quelque chose qui est nuisible. Donc ça, ça s'applique à la démocratie, puisque c'est nuisible plus que c'est positif. Donc c'est plus nuisible que positif. Après le cheikh, il mentionne les paroles d'un autre cheikh qui s'appelle Abdul Ghani Ar-Rahal. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Islamiyoun wa Sarab al-Démocratie, c'est-à-dire les islamistes et le mirage de la démocratie. Et il réfute dans ce livre-là beaucoup des points des arguments mentionnés par les gens qui appellent à la démocratie parmi les islamistes. Il dit donc, لقد أكمل الله دينه وأتم نعمته وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأمر الناس جميعا بالإيمان به واتباع سبيله قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن صحة الطريق لا تكون إلا باتباع أمره ومن أحدث فيه ما ليس منه فهو رد فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc ici le cheikh mentionne les paroles de ce cheikh Abdul Ghani Al-Rahal. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a complété pour nous sa religion et il a complété sa grâce pour nous. Et il mentionne le verset 3 dans Surah Al-Ma'ida qui dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété pour vous ma grâce et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a complété sa religion, elle est complète déjà, elle est parfaite, il n'y a rien à rajouter, et tout a été clarifié dedans de qu'est-ce qui est bénéfique. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala comme une miséricorde pour les mondes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans le verset 107 dans Surah Al-Anbiya, et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné tous les hommes de croire en lui et de suivre sa voie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 108 dans Surah Yusuf, dit au Muhammad, dit aux hommes, voici ma voie, voici mon chemin, voici ma façon. J'appelle et j'invite les hommes à Allah avec connaissance et compréhension. Et ceux qui me suivent également, ils font ça aussi. C'est-à-dire ceux qui me suivent, ils invitent eux aussi les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et louange à Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs, c'est-à-dire ceux qui font du shirk. Et ensuite, le cheikh, il dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a clarifié la bonne voie. Et il a expliqué qu'il n'y a pas de bonne voie excepté dans le fait de le suivre et de suivre son commandement. Et il a expliqué que quiconque invente quelque chose de nouveau dans cette religion-là, dans la question de l'adoration ou dans la croyance, dans les pratiques, alors ça c'est quelque chose qui sera rejeté. Comme il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths rapportés dans Al-Bukhari et Muslim selon Aisha radiyallahu anha, il dit, quiconque invente quelque chose dans notre religion, elle ne sera pas acceptée, elle sera rejetée. Et dans la narration rapportée selon Muslim, celui qui pratique quelque chose qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Donc ensuite il dit وَلَقَدْ جَاءَ هَذَا الدِّينَ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِيُحَقِّقَ مَصَالِحَ الْعِبَادِ بِمَا يُسْعِدُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قال الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وقال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال تعالى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وآيات أخرى كثيرة تبين فضل الله على عباده بإرساله رسله محمد صلى الله عليه وسلم وإنزاله القرآن ليعبد الناس ربهم ويحيون حياة كريمة فاضلة هنيئة فأي مصلحة فعل مدعيها أن يأتوا بدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس فإذا لم ينتصب لها دليل مما ذكرت فهي مصلحة موهومة لا أساس لها من الواقع وهذا ينطبق على مشاركة الإسلاميين المجلسيين في المجالس النيابية أو هي مصلحة موهومة لافتقارها للدليل الشرعي. Donc le chef explique ici que il continue son explication par rapport aux choses qui ont été indiquées par la charia qui font partie du bien. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé cette religion-là pour une miséricorde pour nous, comme une miséricorde pour nous, pour faire en sorte qu'on puisse trouver tout ce qui est bien pour nous, tout ce qui est bon pour nous, et pour avoir le bonheur dans cette vie, d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il mentionne le verset 90 dans Sourate An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, il nous commande la justice, al-adl, wal-ihsan, c'est-à-dire de faire preuve de bonté. Wa ita'i zil-qurba. Ita'i zil-qurba, ça veut dire de donner de notre argent à nos proches. Wa yanha 'anil fahsha'i wal-munkari wal-baghi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit al-fahsha, c'est-à-dire les péchés qui sont laids, qui sont graves. Les munkar, c'est le mal, et al-bari, c'est la transgression, et tout ce qui est l'injustice, c'est la transgression. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Il vous exhorte à propos de ces choses-là pour que vous puissiez vous en rappeler, et pour que vous puissiez vous souvenir. Donc tout ça, c'est des versets qui nous indiquent ces choses-là. Et puis, ensuite, alaykum salam wa rahmatullah. T'as oublié ton téléphone, Afi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et, barakallahu fik, hein. Et, le cheikh ensuite, il mentionne un autre verset. Ah oui, ce verset-là aussi, juste un point en passant à ce sujet-là. On va dans certaines mosquées parfois, et puis il y a l'imam qui... Il y en a même qui récitent ce verset à la fin de la khutbah, juste avant de terminer. Hein. Et puis, ils le récitent d'une autre voix. C'est-à-dire, quand ils parlent dans la khutbah, ils parlent une voix normale. Puis tout d'un coup, quand il arrive à la fin, ils récitent ce verset-là avec une voix comme avec tajwid. Et ça, c'est pas permis de faire ça. Comme si quelqu'un, par exemple, qui récite dans la khutbah, il doit citer les versets en parlant, et non pas en faisant la récitation avec tajwid. Hein. Donc ils le disent, ils arrêtent, ils parlent tout d'un coup, puis là après ils arrêtent. Et puis ça devient comme une sorte de coutume, là les gens ils commencent à répéter ça à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et en réalité c'est une innovation si tu fais ça à chaque fois, parce que les gens commencent à croire que ça fait partie de la sunna de faire ça. Et il y a des ulama qui ont classé ça parmi les innovations et parmi les choses qui sont des bid'ah. C'est-à-dire de réciter dans, en tajwid pendant la khutbah, ça fait, c'est contraire à la sunna. En fait, quand il disait ça, il allait, s'il mentionnait ce verset, il allait dire, par exemple, dans la khutbah, il parle, puis là, il va dire, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, wa ita'i dhil qurba, wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Donc, il va pas s'arrêter pour faire une récitation de tajwid, puis revenir à sa khutbah. Ou bien terminer. Donc, dans ce sens-là, ça, c'est juste un point en passant. Et, ensuite, le cheikh, il mentionne un autre verset, qui est le verset, ça c'est le verset 90 dans Surat al-Nahl, après il y a le verset 24 dans Surat al-Anfal, où vous qui avez cru, répondez à l'appel de votre Seigneur, répondez à l'appel de, d'Allah et de son messager, lorsqu'il vous appelle vers ce qui va vous donner la vie, hein, c'est-à-dire vers l'obéissance et vers la foi, puisque c'est ça qui donne la vraie vie. Et ensuite le cheikh il mentionne un autre verset qui dit, هذا بصائر للناس pardon je me mélange avec ce verset هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون c'est le verset 203 dans Sourate Al-A'raf. Non, ces versets coraniques sont des preuves illuminantes venant de votre Seigneur. Basair, c'est-à-dire des versets qui vous éclairent, qui vous donnent une vision, une compréhension. Et un guide et une grâce pour les gens qui croient. Donc ça c'est le verset en question que le cheikh a mentionné ici. Et il mentionne aussi le verset dans la sourate Al-Isra, le verset 9. Il dit ce Coran guide certes vers la meilleure des voies. Et elle annonce aux croyants la bonne nouvelle que ceux qui font les bonnes œuvres auront une grande récompense. Donc ça c'est le verset en question qui est mentionné par le cheikh. Puis il dit qu'il y a également beaucoup d'autres versets qui montrent le mérite que Allah a sur nous et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a fait en envoyant pour nous le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en ayant révélé le Coran pour que les hommes puissent adorer leur Seigneur et vivre une vie qui est bonne, noble et qui est paisible. Et il y a, le cheikh dit, il n'y a pas un bienfait qui existe ou qu'on prétend, excepté que la personne qui vient avec ce bienfait-là et qui prétend que c'est un bienfait doit nous amener la preuve du Coran ou bien de la Sunna ou bien de l'Ijma ou bien d'un qiyas pour nous prouver que c'est un bien ou que c'est un bienfait. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient et il dit par exemple ça c'est un bienfait, eh bien il devrait nous amener une preuve de la révélation, ou soit du Coran, soit de la Sunna, ou bien une preuve de l'Ijma, c'est-à-dire du consensus des Sahaba, ou bien de Al-Qiyas, c'est-à-dire des analogies que des savants font par Ijtihad, ainsi de suite. Donc ça c'est l'explication que le chef il nous donne en voulant dire que si quelqu'un vient puis dit ça c'est un bienfait, il doit ramener la preuve que c'est un bienfait par les preuves, par les preuves de la religion. Et donc, si quelqu'un n'arrive pas avec une preuve, et puis qu'il dit que ça c'est un bienfait pour les musulmans ou pour les gens, et puis qu'il n'a pas de preuve, et en réalité c'est une prétention qui n'est pas supportée par quoi que ce soit. Il n'a pas de fondement cette prétention-là et cette déclaration-là. Et ça s'applique également, et ça s'applique particulièrement à la situation des islamistes qui rentrent dans les parlements et qui veulent faire croire que il y a un bienfait pour nous dans le fait de participer aux élections et rentrer dans le système démocratique. Le cheikh il dit ça c'est une prétention d'un bienfait qui est illusoire et qui est pauvre de preuves tirées de la charia, c'est-à-dire qu'il n'a pas de preuves basées sur la charia. Et juste un point en passant ici, c'est qu'il y en a qui disent, par exemple, comme Tariq Ramadan, il a fait souvent des conférences pour essayer de défendre la démocratie et des idées comme ça, de la laïcité, et ainsi de suite. Et puis, et des fois, il fait des conférences aussi sur d'autres sujets, hein, comme par exemple le fait de vivre en Occident, puis en Europe, ainsi de suite. Puis il voulait essayer d'arriver à établir, soi-disant, ou à déterminer qu'est-ce que c'est l'islam, un islam européen, ou les musulmans d'Europe, c'est quoi leur, soi-disant, leur voie. Et qu'est-ce qu'il disait là-dedans? Il disait comme par exemple, tout ce qui est bon dans la société occidentale, tu dois le prendre. En voulant dire, ça fait partie de l'islam, c'est bien, donc prends-le. Et ça, il le répétait tout le temps. Il dit, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, c'est islamique, et ça fait partie de l'islam, et prenez-le. mais c'est ça, mais le problème, c'est justement, c'est que si tu dis ça à des gens qui ne connaissent pas l'islam, tu leur dis, tout ce qui est bon, prenez-le, ça fait partie de l'islam, eh bien, si tu dis ça à quelqu'un, et que la personne ne sait rien, ou ne connaît pas assez profondément les règles de la charia, et le Coran et la Sunna, il va prendre n'importe quoi, et puis il va penser que tout ça c'est du bien, parce qu'il va voir, est-ce que c'est bien ou mal, mais sur quoi il va se baser pour déterminer si c'est bien ou si c'est mal. Il ne va pas se baser sur les fondements et les principes de la charia, et sur les règles de la charia, il va se baser sur sa propre raison, et donc il va faire rentrer dans ce qui est bien, toutes sortes de choses qui ne sont pas bien, parce qu'il n'a pas la connaissance nécessaire pour justement juger entre ce qui est bien et mal, selon les principes de la charia. Donc, on a vu la réalité dans l'application de ces gens-là, comment ils font rentrer dans l'islam et dans la religion des choses, alors que ces choses-là n'ont rien à voir avec l'islam, et parfois même elles sont complètement opposées à l'islam, comme par exemple la démocratie. Et quand Tariq Ramadan essayait de défendre ou de supporter l'idée de la démocratie, il donnait justement l'exemple des masalih al-mursala dont on a parlé la dernière fois, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur, ou le fait qu'on ait fait par exemple des feux de circulation, et puis il mentionne ces exemples-là pour essayer de ridiculiser les salafis, hein, parce qu'il dit bon, il y en a parmi des minorités, parmi les musulmans, c'est des petits groupes, ils ne sont pas la majorité, ils sont pas majoritaires, mais ils sont là, ils disent que non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas participer à la démocratie parce que c'est kouf, et la laïcité c'est kouf. Il dit, ah, mais ces gens-là, on dirait que pour eux, tout ce qui n'est pas fait par des musulmans, on doit le rejeter, puis on ne doit pas l'accepter, et ainsi de suite. Il dit, mais non, sinon l'électricité, c'est fait par les kuffars, on ne va pas l'utiliser, on va rester dans le noir. Donc ça, c'est des exemples comment ils veulent ridiculiser les choses et mélanger les gens avec des paroles de ce genre. Ou bien ils mentionnent l'histoire d'une personne qui, par exemple, était en quelque part dans un pays européen, et puis là-bas, il y a des caméras qui prend les photos des personnes qui brûlent les feux, hein, qui brûlent les feux rouges. Aussitôt que quelqu'un brûle le feu rouge, on prend une photo de sa plaque. Alors, la personne a dit, ah, il dit à quelqu'un qui était comme ça, qui disait, ah non, moi je prends rien des coups et tout, il était au feu de circulation. Et il y a quelqu'un qui était avec lui, il dit, tu sais, ça, les feux de circulation, c'est inventé par les coups, moi je passe quand même. Alors là, il a passé quand même, et puis la caméra a pris sa photo. Donc il a eu une peine, une contravention à cause de ça. Donc là, il mentionnait cette histoire-là pour essayer de dire, vous voyez comment ces gens-là sont ridicules. Il dit pas ça, mais la façon dont il parle, c'est ça ce qu'il veut dire. Regardez comment ces gens-là sont ridicules. Ils pensent qu'on ne doit rien accepter des koufars, des Européens. Et puis regardez en conclusion, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils tombent dans ce genre de problème. Et on a expliqué la dernière fois que les feux de circulation, il n'y a rien dans l'islam qui interdit ça. Ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans l'Ijma, ni le Qiyas. Et bien au contraire, il y a des choses qui indiquent que les feux de circulation, c'est quelque chose qui est bien et qui est bénéfique aussi pour les gens, puisque ça évite le mal. Donc, comment tu peux comparer ça à la démocratie? Comment tu peux comparer les feux de circulation à la démocratie? Aussi, par exemple, l'exemple des ordinateurs. Il dit, avant, les gens avaient d'autres moyens pour se concerter ou pour se consulter. Ils utilisaient ils se consultaient ou ils faisaient la shura en se réunissant entre eux dans le hajj et ils discutaient des problèmes des musulmans. Il dit, aujourd'hui, on a d'autres moyens. On a, par exemple, l'internet. On a les moyens de faire des conférences par d'autres moyens, par téléphone. On peut tous être réunis avec des satellites, avec des caméras, puis faire des consultations comme ça, sans même bouger de la place où on est. Et ça, c'est un moyen comme un autre pour arriver à une consultation entre les ulama. Maintenant, il dit, la démocratie, c'est la même chose. La démocratie, c'est une façon de prendre la position de tout le monde, le point de vue de tout le monde, et puis par la suite arriver à une décision. Et donc qu'est-ce qui est grave dans ce qu'il dit, c'est que il compare un moyen technique à un système, une idéologie et une philosophie, alors que les deux choses n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est-à-dire, tu peux pas comparer le fait de faire des communications par Internet ou par satellite ou des choses de ce genre, qui ça c'est un moyen technique, et tu prends ça et tu compares ça avec un système qui est basé sur une philosophie et sur des idées et sur une croyance et sur toutes sortes d'autres choses qui sont contraires à l'islam. Donc tu compares, est-ce que le fait de faire une conférence par satellite ou par Internet, est-ce que ça c'est quelque chose? Donc nous on regarde ça sur le plan de la charia et sur le plan de la religion. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le Coran et dans la Sunna qui l'interdise? Maintenant, en ce qui concerne la question de la démocratie, des élections et tout ça, et le Parlement, ça on a montré depuis le début de ce livre, depuis le début de ces cours-là, qu'il y a beaucoup de choses qui opposent la charia dans la démocratie, et qu'il y a plein de contradictions entre la démocratie et les fondements même de l'islam. Alors, d'essayer de faire semblant que c'est un bien et qu'il n'y a aucun mal dedans, ou bien que même s'il y a un peu de mal, mais ce n'est pas dans les fondements, ça c'est un mensonge. Ça c'est tromper les gens, ça c'est mentir aux gens. Et donc il faut justement expliquer les choses comme il faut. Et le fait que tu vois que ces gens-là essaient de se moquer des salafis, ça c'est la preuve de leur malhonnêteté et de leur injustice aussi. Et comment ils sont les premiers à critiquer les salafis et à dire « Ah, les salafis, vous êtes durs. Ah, vous les salafis, vous parlez toujours contre les gens. » Alors que vous voyez, ils sont les premiers à, hein, comme parle Ramadan dans ses cours qu'il fait, il commence à se moquer, à essayer de ridiculiser les salafis, hein, et à dire des choses de ce genre. Et puis par la suite, après dans d'autres cours, il va dire aux gens, ouais, nos frères salafis et nos soeurs salafis, ils ont raison quand ils disent que le tawhid c'est le plus important, ça oui, ils ont absolument raison, même si on n'est pas d'accord avec eux sur la méthodologie, et ainsi de suite. Donc vous voyez que Ils essaient de lancer de la poudre aux yeux, dans les yeux des gens, pour leur faire comprendre que, ouais, le salafi c'est bien, bon, ils connaissent le tawhid, mais à part ça, le reste, on veut rien savoir de ces gens-là. Et puis c'est comme si pour essayer de faire comprendre aux gens que le tawhid c'est important, mais même si on dit que c'est le fondement, ben il faut pas juste parler de ça, il faut parler d'autres choses aussi. Et puis tu vois qu'en réalité, à la fin, la seule chose qu'ils parlent lorsqu'ils parlent du tawhid, c'est de mentionner le mot tawhid. Mais après qu'ils ont fini de mentionner le mot, ils ne l'expliquent jamais. Donc, bien entendu, pour eux, tawhid, ça se limite à tawhid al-rububiyya, comme on en a déjà parlé de ça, malheureusement. Hein? Ok. Donc ça, c'est, à ce point-là, j'ai dit ce que je voulais dire, inshallah. Le cheikh ensuite, il dit, قلت هذا كلام متين. فإن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تكفل بمصالح العباد وما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم فلا يحتاج مع ذلك إلى تحكيم عقولنا في البحث عن أمور لم تكن معلومة في الكتاب والسنة ولا في عمل سلف الأمة لنغير بها الواقع، وإنما الواجب هو التمسك بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى أن يرد إلي الحوض، ولن يتفرقا حتى يرد إلي حتى يرد علي الحوض. قال الإمام الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وجماع ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc ici le cheikh il conclut, il commente le passage qu'on a lu auparavant en disant que on a compris maintenant par rapport à ce qu'on a lu et de, dans cette citation que c'est une parole qui est ferme et qui est claire au sujet du Coran et de la Sunna, que le Coran et la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam sont venus pour nous montrer tout ce qu'il y a de bien pour l'humanité. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est chargé de nous clarifier tout ce qu'on avait besoin de connaître pour nous montrer ce qui est bon pour nous dans la dunya. Et il y en a déjà comme ça qui disent, comme on a expliqué là, plusieurs fois, ils disent comme, ah mais comment ça se fait que vous voulez dire, par exemple, que la démocratie, il y en a qui disent ça, ils disent, la démocratie c'est quelque chose qui est venu après l'islam. Hein? Donc comment vous pouvez dire que c'est contraire à l'islam, puisque c'est venu après l'islam. Et ça c'est déjà, de, que quelqu'un dise une parole pareille, c'est la preuve de son ignorance. Un, de son ignorance de la démocratie, et deux, de son ignorance de l'islam. Parce que de un, la démocratie existait avant l'islam. C'est-à-dire, ça vient de, c'est un système qui a été inventé par les Grecs de l'Antiquité. Donc, à la base, il existait déjà. Et donc, l'islam, il est venu après, c'est-à-dire, la religion, le Coran et la Sunna sont révélés après. Mais l'islam, il existait déjà, bien entendu, dans le sens que le message des prophètes qui sont venus avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était également l'islam. Hein, parce que c'était la ilaha illallah. Donc, c'est l'islam. Sauf que c'est vrai que il existait avant que le la démocratie existait avant que le Coran et la Sunna soient révélés. Ça c'est de un. Donc ça c'est de un. Et deux, même si quelque chose n'existait pas avant le Coran et la Sunna, ça ne veut pas dire que le Coran et la Sunna ne peuvent pas décréter ou juger ce système-là pour déterminer est-ce qu'il est en accord ou en contradiction avec la révélation. Et donc si on l'étudie, on analyse le système, puis on voit ses principes et ses fondements, eh bien on peut facilement comprendre qu'ils sont en contradiction avec l'islam. Donc ça c'est un point. Et donc, comme le chef il expliquait, c'est que l'islam est venu pour nous montrer tout ce qu'il y a de bien pour nous. Et tout ce qu'on a besoin dans la dunya ou dans la religion, il est dedans, il est clair dans le Coran et dans la Sunna. Donc on n'a pas besoin de nous servir de notre raison, pour essayer de chercher des choses, hein, si elles n'ont pas été clarifiées dans le Coran et dans la Sunna, et dans la voie des explications des gens de la, qui, des salafs de notre Ummah, des prédécesseurs de la Ummah, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de commencer à chercher, à utiliser notre intellect ou notre raison pour essayer de trouver un bienfait qui n'a pas été clarifié dans soi-disant la révélation, parce que justement tout ce qui a été clarifié dans le Coran et dans la Sunna nous indique ce qui est le bien. Et donc si on veut changer l'état actuel de la Umma, c'est pas en essayant d'utiliser des nouveaux moyens ou des nouvelles raisons, des nouvelles situations ou des nouveaux moyens en utilisant notre intellect, mais c'est en s'accrochant au Coran et à la Sunna et en ce que suivaient les salaf salih qu'on va être capable de revenir à notre droiture. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai laissé deux choses, si vous accrochez à ces deux choses-là, vous n'allez jamais vous égarer. Tant que vous restez sur ces deux choses, vous n'allez pas vous égarer. Il a dit, premièrement, c'est le livre d'Allah, et deuxièmement, c'est la sunna, c'est ma sunna, et ils vont rester unis jusqu'à ce que vous me rencontriez al-hawd, c'est-à-dire à la fontaine ou au bassin, là où les croyants vont se réunir au jour de la résurrection. Donc le cheikh il cite ensuite une parole de l'imam al-Auza'i, qui est un des imams parmi les imams des salaf, un des contemporains des quatre imams, ou des, en particulier de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah. Il dit dans cette parole, qui est une parole vraiment importante, hein, qu'on doit tous mémoriser, اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. Donc c'est 6 points dans cette citation là. اصبر نفسك على السنة, c'est-à-dire sois endurant et patient sur la sunna. Et qif haythu waqafa al-qawm, c'est-à-dire arrête-toi là où les salafs sont arrêtés. Là où ils se sont arrêtés eux, arrête-toi. Wa qul bima qalu, c'est-à-dire qu'est-ce que eux ils ont dit, dis, limite-toi à ce qu'ils ont dit. Ne rajoute pas par toi-même des choses pour dépasser leur parole à eux. Wa kuff amma kaffu, c'est-à-dire qu'est-ce que eux ils se sont abstenus de faire ou de dire, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas fait, alors arrête-toi et abstiens-toi toi aussi. Wasluk sabila salafaka salih, et suis la voie de tes prédécesseurs pieux. Parce que qu'est-ce qui était suffisant pour toi, ce qui a été suffisant pour eux, c'est suffisant pour toi. Si ce qui a été assez est suffisant pour eux, c'est suffisant pour vous. C'est ça la réalité. Parce que eux, ils ont eu suffisamment d'informations et de connaissances de la religion, et c'était suffisant pour eux, ce qu'ils ont reçu d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce que nous on a aujourd'hui, c'est ce que nous on reçoit par la suite du Coran et de la Sunna, ça nous suffit, on n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc c'est ça que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas compris. Et le cheikh il dit que tout ça c'est résumé dans la parole d'Allah dans le Coran, lorsqu'il dit dans le verset 3 dans Surat Al-Ma'idah, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété ma grâce sur vous et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc ça c'est le point numéro 12 qu'on vient d'expliquer et qu'on a terminé. Maintenant le cheikh il explique maintenant le point numéro 13. Il dit « قولهم إننا إذا تركنا الدخول والمشاركة في الانتخابات معنى ذلك أننا نتيح الفرصة للعلمانيين والماسونيين وغيرهم من أعداء الله أن يتولوا زمام الأمر. الجواب على وجهين. الوجه الأول أن ذلك لا يتم إلا أن يشكل الإسلاميون أغلبية المجلس النيابي، ولأجل ذلك فإنهم يسعون للدخول في التحالفات المرتبة مع أحزاب غير إسلامية ليستفيدوا من أصوات ناخبيهم، وهكذا من تنازل إلى تنازل حتى تسحب حبات المسبحة من الخيط. Donc le cheikh explique que, ils disent également comme argument que ils disent quand on rentre dans les parlements, quand on rentre dans les élections, c'est uniquement parce que si on ne rentre pas dans les élections, eh bien on va laisser la chance aux laïcs et aux francs-maçons et aux autres parmi les ennemis d'Allah de prendre le contrôle des affaires de la société et du pays. La réponse à ce sujet-là est divisée en deux. Ou bien en deux points de vue. Le premier point de vue pour répondre à ça, c'est que premièrement, les islamistes ne pourront pas arriver à cet objectif-là, soi-disant, de régler le problème et de prendre le contrôle, excepté s'ils sont une majorité au Parlement. Et le cheikh dit que c'est pour ça qu'ils font des efforts pour arriver à faire des ententes et des alliances avec des partis non islamiques, pour arriver à profiter des voix de leurs électeurs. Et c'est de cette façon qu'ils font des compromis. Et ils vont de compromis en compromis pour justement arriver à leurs objectifs. Et c'est ainsi que toutes le cheikh donne un exemple, il dit que toutes les pierres ou les billes du collier de qu'est-ce qu'on appelle comme un chapelet là, le masbaha, et toutes les pierres ou les billes qui composent le collier, elles tombent toutes une par une de leur ficelle, de leur corde qui les rassemble. Donc c'est comme ça que le cheikh a illustré la situation de ce que ces gens là font. Ensuite il dit al-wajh al-thani, le deuxième point de vue, c'est que il dit أن الشعب إذا فهم الإسلام بحقيقته فإنه سيقف أمام هؤلاء ولا يتأنى ذلك إلا إذا اتجهنا إلى العلم ونتعلمه ونعمل به وندعو إليه، وعند ذلك تستقيم أحوالنا بإذن الله. فيهيئ لنا حكاما صالحين. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله يكون بالطرق الشرعية لا بالمحرمة. قال ابن أبي العز الحنفي فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. Le Cheikh explique ici ensuite comme deuxième point de vue pour répondre à cet argument-là, que le peuple, lorsqu'ils auront compris l'islam et la réalité de l'islam, ils vont se tenir devant, devant ces gens-là, devant ceux-là. Et donc, yani, ils ne vont pas être capables, ces gens-là, c'est-à-dire les laïcs et les francs-maçons et les autres, ne vont plus être capables de les manipuler et de jouer avec eux. Et donc, dans ce cas-là, parce que le peuple aura compris sa religion et aura obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on ne pourra plus jouer avec eux. Et le chef, il dit donc, dans ce cas-là, l'important, la seule façon d'arriver à ce but-là, c'est que on se dirige vers la science et qu'on apprenne notre religion et qu'on l'applique et qu'on invite les gens à cette religion-là. Et à partir de ce moment-là, notre état va changer par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner des dirigeants qui vont être vertueux et qui vont être pieux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 7 en sourate Muhammad, si vous aidez la cause d'Allah, si vous aidez Allah, Allah va vous aider. Hein, et il va affermir vos pas. Donc ça c'est un exemple. Et le chef il dit que la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est uniquement, elle vient uniquement par des moyens qui sont en accord avec la charia. Et elle ne vient pas par des moyens qui sont haram en eux-mêmes, comme la démocratie par exemple. Et le chef il dit, en citant les paroles de Ibn Abi al-'Izz al-Hanafi, il dit que les dirigeants qui sont injustes, ils ont uniquement été placés sur nous. Allah subhanahu wa ta'ala a mis des dirigeants yani injustes au pouvoir sur nous à cause de la corruption de nos actions. C'est comme en réalité si Allah subhanahu wa ta'ala était en train de nous punir pour notre corruption et le mal qu'on fait nous-mêmes, et donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous remet le mal qu'on mérite ou le mal qu'on fait. Hein, donc, étant donné qu'on est injuste entre nous et injuste envers la création, eh bien, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous punit en mettant sur nous des dirigeants qui sont injustes. Donc, il dit, pour résoudre ça, il faut faire des efforts pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et pour nous repentir et pour corriger nos œuvres et nos actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 30 dans sourate Shura, et tout ce qui vous atteint, hein, c'est uniquement à cause de ce que vos mains ont acquis. C'est-à-dire tout ce qui vous atteint de malheur, c'est uniquement parce que ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Et il mentionne, il dit le chef, et si donc on veut, si les gens qui sont parmi les citoyens ou les gens qui sont sous ce dirigeant-là veulent être débarrassés de l'injustice de cette personne qui est de ce dirigeant injuste, eh bien là, la façon de le faire, c'est de cesser eux-mêmes de faire de l'injustice. Hein? Et le cheikh il dit, ça c'est tiré de Al-Aqida al-Tahawi al-Sharh. Ensuite, le Cheikh il dit comme point numéro 14, « قولهم إننا ما شاركنا في مجلس البرلمان إلا للضرورة إلا للضرورة وذلك أننا إذا لم ندخل فيه أصبحت ساحة المجلس فارغة ويسرح فيها أعداء الله ويمرحون. Donc les cheikhs, ils enseignent ce point, le point numéro 14, et dans ce point-là, il dit, la réponse, il dit en fait dans ce point-là, parmi les arguments des hizbiyyin, ils disent que si on ne participe pas dans le parlement, en fait non, ils disent que on participe dans le parlement parce que c'est une nécessité. Parce que si on participe pas ou si on rentre pas, bien les ennemis d'Allah vont profiter de ça et puis ils vont voir que le terrain est libre et puis ils vont rentrer, ils vont prendre le contrôle des choses. Donc ça c'est leur argument, ça ressemble un peu à l'argument qu'on vient d'expliquer, sauf qu'il y a des détails un peu plus, il y a un peu plus de détails, un point important à mentionner à ce sujet-là, c'est qu'ils prétendent que c'est une nécessité. C'est-à-dire ils prétendent que le fait de rentrer dans la démocratie, c'est une nécessité qu'on n'a pas le choix de le faire. Et on a déjà répondu à la question de la nécessité par rapport à rentrer dans les élections, on a montré que c'était faux, c'est pas vrai que c'est une nécessité, mais là on va expliquer encore plus de détails pour montrer que cette prétention-là, elle est encore plus fausse que ça. Donc le cheikh il dit, Al-Jawab, قال عبد الغني الرحال إن مبنى هذه المقولة ينصب في أمرين. الأول أن الإسلاميين يرفضون الديمقراطية، والثاني أنهم قبلوها لأسباب منها عدم تمكين أعداء الله من الانفراد بالسلطة التشريعية. Donc le cheikh il dit que la réponse c'est dans les paroles, on peut la mentionner dans les paroles d'Abdul Ghani al-Rahal qui a écrit Sarab al-Démocratie, Al-Islamiyoun wa Sarab al-Démocratie. Il dit dans ce livre-là encore, à propos de cette Shubha, que cette prétention-là qu'ils disent que ça fait partie de la nécessité de rentrer dans les parlements, on peut répondre à ça de deux points de vue. Premièrement, c'est que les islamistes, ça voudrait dire, ou c'est basé sur l'idée que les islamistes rejettent la démocratie, ça c'est de un, et deuxièmement, qu'ils ne l'ont accepté que parce qu'ils voulaient, qu'ils l'ont accepté uniquement pour ne pas faire en sorte que les ennemis de l'islam prennent le contrôle de le contrôle politique et prennent en charge le pouvoir exécutif, par exemple, dans la société. Donc c'est comme s'ils essaient de dire que, bon, premièrement, on n'est pas d'accord avec la démocratie, et deuxièmement, on rentre dans la démocratie uniquement pour empêcher que les ennemis de l'islam utilisent, ou bien que les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, établissent le pouvoir exécutif selon leurs principes à eux. Et ça c'est réfuté. Ça c'est réfuté, ces deux prémices-là sont réfutées. Premièrement, الأمر الأول فليس صحيحا أن الإسلاميين المشاركين في المجالس النيابية يرفضون الديمقراطية كمنهج بل هم على العكس من ذلك تماما إذ هم يدعون إليها ويطالبون بها. Premièrement, c'est faux de cette idée que c'est une qu'il se base sur le prétexte de la nécessité, parce que premièrement c'est pas vrai, ils ne rejettent pas la démocratie en elle-même. Comme on a expliqué déjà que quand quelque chose, on dit que c'est permis par nécessité, ça implique qu'à la base c'est haram. Si tu dis par exemple, c'est permis de manger du porc dans les cas de nécessité, ça implique quoi? Ça implique que le porc c'est haram d'en manger. Et ça il faut être d'accord là-dessus, puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Et on dit qu'on l'accepte et on en mange uniquement dans les cas de nécessité. Donc si vous prétendez que la démocratie c'est permis dans les cas de nécessité, ça voudrait dire que, à la base, vous êtes contre la démocratie et que vous êtes d'accord que la démocratie soit quelque chose de haram. Et donc, c'est pas le cas, puisque on remarque, comme le cheikh il dit comme deuxième point, que dans vos écrits et dans vos livres, vous appelez les gens à suivre la démocratie et vous dites que c'est ça le système qui est le meilleur et que c'est ça qu'on doit suivre. Et là, on va lire quelques citations justement à ce sujet-là. Donc, c'est pas vrai que les islamistes prétendent qu'ils sont forcés de le faire et qu'ils refusent la démocratie comme système, comme principe ou comme voie. Alors, au contraire, ils sont en train d'appeler les gens à la démocratie depuis la base de leur fondement et ils disent que c'est ce système-là qui est le meilleur et qu'il faut suivre. Donc, le chef, il mentionne justement les paroles de certains d'entre ces islamistes-là. Il dit, il a un qal, قال حسن البنا في مجموعة الرسائل ولهذا يعتقد الإخوان المسلمون أن نظام الحكم الدستوري هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام وهم لا يعدلون به نظاما آخرا. Donc ici il mentionne premièrement les paroles de Hassan al-Banna dans Majmou'at al-Rasail et c'est à la page 275. En fait, Hassan al-Banna c'est le fondateur des Ikhwan al-Muslimin et la plupart des autres groupes qui sont apparus par la suite sont des groupes qui ont été inspirés à la base par le mouvement de Ikhwan et par le mouvement de Hassan al-Banna, c'est-à-dire les frères musulmans. Donc ils découlent tous ces groupes islamistes, politiques, découlent du mouvement de Hassan al-Banna. Donc il est l'instigateur de cette bid'a et de cette innovation parmi les musulmans. Et donc, lui-même à la base, il disait que dans son livre qui s'appelle Majmou'at al-Rasail, c'est-à-dire le recueil des textes qui ont été écrits par Hassan al-Banna, il dit, c'est pour ça que nous croyons que les frères musulmans, nous les frères musulmans, que le système constitutionnel est le système qui est le plus proche de l'islam dans tout le monde entier, c'est celui qui est qui est établi sur qu'est-ce qui est le plus près de l'islam, et ils ne veulent rien d'autre que ce système-là. Ils ne veulent rien d'autre en dehors de ce système, c'est-à-dire ils ne veulent rien d'autre en dehors que la démocratie. Donc c'est comme s'il est en train de dire clairement que pour les frères musulmans, pour les Ikhwan, le système politique qu'ils veulent, c'est le système constitutionnel démocratique. Ça c'est déjà les paroles du fondateur de ce groupe, hein, parmi les Ikhwan. Et donc c'est pas surprenant par la suite de voir que les Ikhwan, eux, appellent à la démocratie, puis suivent le système démocratique. Et on peut pas dire par la suite qu'ils considèrent que c'est une nécessité, puisque pour eux, ils considèrent que c'est non pas permis, mais que c'est le seul système qu'ils acceptent et ils ne veulent rien d'autre en dehors de ce système. Ensuite, le cheikh il mentionne les paroles d'un autre qui a été le successeur de Hassan al-Banna, qui s'appelle Hassan al-Hudaybi. Hassan al-Hudaybi, il dit « La rayba anna al-hayat al-niyabiyya hiya al-asas al-salim li kulli hukmin fil asr al-hadir » Il dit quoi, Hassan al-Hudaybi? Il dit « Il n'y a pas de doute que la vie parlementaire est la base, hein, qui est correcte, qui est bonne, qui est salim pour tout gouvernement à l'époque actuelle. » Donc il dit que c'est le fondement qui est bon, qui est sauf, qui est propre pour faire un gouvernement à l'époque actuelle. Ça c'est la situation de celui-là. Ensuite, il y a une autre parole, c'est Mustafa al-Sibai, qui est un autre parmi les Ikhwan en Syrie, qui était en Syrie à l'époque. Et lui, il a également été parmi ceux qui ont participé au débat sur la constitution syrienne, et il a expliqué que, dans plusieurs de ses écrits, il a expliqué que il ne voulait pas appliquer l'application de la charia, il voulait établir l'islam comme religion d'État, mais que ça n'impliquait pas qu'on devait faire une distinction entre les koufars et les musulmans. Il considérait qu'il fallait appliquer le système démocratique. Donc il dit dans une citation que le cheikh a mentionné, il a dit dans un texte qui s'appelle Al-Maslaha al-Démocratia, le bienfait de la démocratie, Inna al-Qawa'id المتبعة في دساتير العالم أنظمة الأحزاب ومداولات المجالس النيابية بل في عرف الدنيا جميعا أن رأي الأكثرية هو المتبع والمعمول به. Il dit dans ce texte qui est mentionné dans son livre, dans le livre de الإسلاميون وثراب الديمقراطية, il dit que, ouais, il dit, les règles qui sont suivies dans les constitutions dans le monde entier et dans les systèmes des partis dans le monde de même que dans les parlements, et même dans la coutume qui est connue dans toute la dunya, dans tout le monde entier, c'est que la majorité, c'est ce qui doit être suivi, et c'est ce qui doit être appliqué. Ce que l'opinion de la majorité, c'est ça ce qui doit être suivi, et c'est ça ce qui doit être appliqué. Donc ça, c'est la position de As-Siba'i, ok? Donc ça, c'est un autre exemple de la position qu'il a par rapport à la démocratie. Il dit qu'il faut suivre l'opinion de la majorité, et c'est ça la démocratie, de suivre l'opinion de la majorité. Même si c'est contraire au Coran et à la Sunna. Bon, ça c'est l'égarement, hein. Et il y a d'autres citations dans d'autres livres de la part de cet homme-là qui sont vraiment des paroles graves. Et comme le Cheikh Ahmed al-Najmi, il en a fait la critique dans son livre Ar-Rad al-Shar'i al-Ma'qoul 'ala al-Muttasil al-Majhoul. Et on a fait les cours justement sur ce livre-là. Et il en parle et il réfute les paroles de Mustafa al-Siba'i en détail dans ce livre-là. Après, il dit « وقال السعيد حواء في كتابه جند الله تعظيما وتخطيطا وتنقيدا وتنفيذا pardon. وقد يكون سبيل الجماعة الإسلامية للوصول إلى الحكم وإقامة الدول وإقامة الدولة الإسلامية في قطر ما هو الانتخابات والمشاركات في الوزارات وهو الطريق البطيء التدريجي والأسلم. Et là, il dit, il cite les paroles d'un autre parmi les Ikhwan. En grande majorité, ce sont des soufis, hein. Il ne faut pas s'étonner de ça. Ce sont des soufis, hein. Donc, la plupart d'entre les soufis, vous connaissez leur égarement. Et donc, c'est pas surprenant de les entendre parler de cette façon-là, puisque à la base, déjà, ils ont des bid'a et des croyances qui sont des croyances de bid'a et de shirk aussi. Et donc, c'est normal qu'ils disent des paroles comme ça, puisque ils n'ont aucune connaissance du tawhid. Et donc, Sa'id Hawa, c'est un autre soufi aussi qui fait partie des Ikhwan. Et il dit dans son livre, Jundullah, ta'ziman, l'armée d'Allah, ta'ziman, wa taqtitan, wa tanfizan. Il dit, il se peut que la méthode utilisée par le groupe islamiste pour arriver au pouvoir et établir un État islamique dans une partie du monde, soit les élections et la participation dans les ministères, ainsi de suite. Et il dit ça, c'est la voie qui est lente et qui est une voie qui est tadriji, c'est-à-dire qui vient par étape, hein, par étape, et qui est aslam, c'est-à-dire celle qui est la plus sécuritaire ou la plus sécure. Ok? Et donc, ça c'est la parole de Saïd Hawa à ce sujet-là. Donc, il considère que la voie de la démocratie et des votes et des élections, c'est une voie qui est graduelle et qui est plus sécuritaire, soi-disant, pour arriver au pouvoir et pour arriver également à établir un État islamique. Mais ça indique également autre chose qui est grave aussi et qu'on a vu même de la part de certains groupes qui font partie de la tendance des Ikhwan ou qui découlent de cette voie-là, c'est qu'ils peuvent aussi utiliser d'autres méthodes pour arriver au pouvoir s'ils veulent, et c'est par exemple la méthode des coups d'État, des attentats, la révolution, et ainsi de suite. Donc ça c'est une autre de leurs méthodes. Ensuite, ça indique donc aussi l'égarement aussi qu'ils ont, puisqu'ils suivent la voie des Khawarij pour prendre le pouvoir. Donc, ça c'est bien entendu des bid'a, des contradictions à la charia. Ensuite, le cheikh il mentionne les paroles de Abul A'la al-Maududi. Et Abul A'la al-Maududi, lui aussi c'est un Pakistanais, hein, il fait partie des gens qui suivent cette tendance, les Hizbiyin. Il avait son propre parti même au Pakistan, ok, al-Jama'at al-Islamiyya au Pakistan. Et donc il fait partie des Hizbiyin lui aussi. Et il fait partie aussi des penseurs islamistes qui sont égarés également. Il faisait la glorification de Al-Khomeini et des Shi'a. Donc c'est un également un gars qui avait une aqida et un manhaj qui est dévié également. Donc il dit dans un tarif, hein, قال أبو الأعلى الموجود في كتابه موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه عن برنامج الجماعة الإسلامية في باكستان. أما كيف يتأتى هذا التغيير فليس له من سبيل في نظام ديمقراطي إلا خوض معارك الانتخابات. ثم قال الرحال فقد تبين لنا مما سبق أن الإسلاميين منادين بالديمقراطية لم ينادوا بها باعتبارها ضرورة ولا مندوحة عنها ولا حل سواها بل هي منهج يطرحونها للتغيير. لشيخ الزي أبو الأعلى الموجودي إلى زيد الصوليف موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه إلى بعليه دو programme du groupe islamiste au Pakistan. Il dit, en ce qui concerne comment on va arriver à ce changement, c'est-à-dire établir l'État islamique, il dit ça c'est, il n'y en a pas d'autre voie à suivre, ou d'autres systèmes à suivre, non, il n'y a pas d'autre voie pour y arriver que le système démocratique, et de rentrer dans les batailles électorales. Donc ça c'est leur méthode à eux. Et on voit quel résultat ça a pu avoir en regardant qu'est-ce qui se passe maintenant au Pakistan avec les élections à chaque fois, hein, les attentats, les bombes, hein, dernièrement qu'il y a Bhutto qui a été victime d'un attentat, ainsi de suite. Donc tout ça c'est des résultats de qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là à cause de la démocratie. Ensuite il dit pour tout, il dit ثم قال الرحال, donc celui qui a écrit le livre Al-Islamiyun wa Sarab al-Demokratiya, il dit, on peut voir donc que les islamistes, ce sont des gens qui appellent clairement à la démocratie. Et ils n'appellent pas à la démocratie comme étant quelque chose de nécessité qui serait haram, mais qu'ils n'ont pas le choix ou des choses de ce genre. Mais au contraire, ils considèrent que ce sont des moyens qu'ils doivent utiliser pour changer, soi-disant, la société, ou bien pour arriver à établir ce qu'ils veulent. Ensuite, le cheikh il dit, قلت مما يؤكد ذلك ما قاله يوسف القرضاوي والواجب على الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة أن تقف أبدا في وجه الحكم الفردي الدستوري والاستبداد السياسي والطغيان على حقوق الشعب وأن تكون دائما في صف الحرية السياسية المتمثلة في الديمقراطية الصحيحة غير الزائفة. إن الفكرة الإسلامية والحركة الإسلامية والصحوة الإسلامية لا تتفتح أزهارها ولا تنبت بذورها ولا تتعمق جذورها أو تمتد فروعها إلا في جو الحرية ومناخ الديمقراطية. لشيخ الزئيسي parmi les choses qui clarifient encore plus cette position-là, du fait que les islamistes appellent à la démocratie, il y a les paroles de Yusuf al-Qardawi, qui est un parmi les penseurs des Ikhwan, et qui dit dans son livre « Aulawiyat al-Harakat al-Islamiyya » les priorités du mouvement islamiste, de la page 153 à 154, et ce livre qu'il a écrit, « Aulawiyat al-Harakat al-Islamiyya », c'est comme si Al-Qardawi, dans ce livre-là, il était en train d'écrire les lignes à suivre, le programme à suivre par les islamistes, le programme que les islamistes doivent suivre pour arriver à leur but. Donc, il était en train de leur tracer leur programme dans ce livre-là. Donc, si vous voulez savoir un petit peu, ou comprendre un peu le manège des Ikhwan et comment ils fonctionnent et comment ils voient les choses, vous avez juste à lire ce livre-là, Al-Awlawiyat al-Harkat al-Islamiyya, pour voir à quel point ils sont dans l'égarement à ce sujet-là. Mais bien entendu, c'est pas, je vous recommande pas de le lire et je vous invite pas à le faire non plus. Mais c'est juste pour vous dire que dans ce livre-là, il y a plein d'indications par rapport aux idées et aux principe des gens de Hizbiya et sur quoi ils se basent pour établir leur système et leurs idéologies. Après, donc, il dit dans cette parole-là, c'est obligatoire au mouvement islamiste, dans l'étape qui va précéder, dans l'étape suivante, qu'elle se tienne toujours en face et contre le gouvernement ou le pouvoir dictatorial. Et comme on dit, la tyrannie, ainsi de suite. Les gens qui dirigent contre la volonté contre les droits du peuple, comme il dit. Et il faut toujours être dans les rangs de ceux qui défendent la liberté politique, qui sont représentés par la démocratie correcte, qui n'est pas déformée. Et bien entendu, ça c'est en parlant des socialistes, parce qu'ils sont toujours, les islamistes, en train de se mettre dans le rang des socialistes. Pour eux, c'est ça la démocratie et la justice. Et ils appellent à un islam socialiste, hein, qui est basé sur les principes du système socialiste, puis toujours de se révolter contre les dirigeants, puis de ne pas accepter le gouvernement ou le dirigeant si c'est un tyran ou si c'est un homme injuste ou un dictateur, qu'il faut, selon eux, le changer ou l'enlever du pouvoir ou le destituer, ainsi de suite. Et ça, bien entendu, on sait que c'est le manhaj des Khawarij, hein. Donc, le cheikh, il dit ensuite, il continue la citation de Al-Qaradawi, il dit que la pensée islamiste et le mouvement islamiste et le réveil islamiste ne peut pas éclore et ne peut pas pousser, hein, ces bourgeons ne pourront pas éclore et ces branches ne pourront pas pousser, ces bourgeons ne pourront pas pousser et ces racines ne pourront pas s'approfondir et s'ancrer, entrer plus profondément dans la terre, ces branches ne pourront pas s'élargir encore plus et s'élever encore plus haut dans les airs, excepté dans le système démocratique. Donc c'est comme s'il est en train de dire que le système des islamistes et l'idéologie des islamistes pourra uniquement s'infiltrer ou devenir plus fort et s'agrandir, ne pourra uniquement prendre un pied ferme et s'élargir, excepté dans le système démocratique. C'est pour ça qu'ils appellent toujours à la démocratie et qu'ils essaient d'utiliser la démocratie pour arriver à leurs objectifs. Ensuite, le Cheikh dit, وعلى هذا المنهج التلمساني والغنوشي وفتح يكن وعصام العريان وغير هؤلاء انظر قولهم في كتاب الطريق إلى جماعة الأم بل يمتد هذا المنهج إلى يومنا هذا حيث سئل عبد المجيد الزنداني كما أجرت الحوار مع مجلة المستقبل فقالت له ما رأيك في الديمقراطية فأجاب قبلناها وقبلها علماء اليمن عندما قيل لنا هذه شورى ويأتي بمشيئة الله في الباب الثالث مناقشة هذا القول. للشيخ الذي ك لمنهج التلمي الثاني إذا الغنوشي إذا فتح يكن إذا عصام العريان تصفد إخوانسي الغنوشي il est au Yémen, c'est un Tunisien, Al-Ghannouchi, il a quitté la Tunisie, c'est un islamiste qui fait partie de la tendance des Ikhwan. Et bien entendu, en Tunisie, il a fait la fitna là-bas, hein, comme les Ikhwan le font dans plusieurs des pays musulmans. Et il a dû quitter la Tunisie. Puis là, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Quand ils vont dans les pays occidentaux, ils commencent à dire qu'ils appelaient à la démocratie, aux droits de l'homme dans leur pays, puis que leurs pays sont des dictatures, et qu'à cause de ça, ils empêchaient aux gens de s'exprimer parce qu'ils appelaient à la démocratie. Alors que c'est faux. Ils appelaient à faire des problèmes politiques et à faire du désordre dans la société au nom de l'islam. Alors, bien entendu, c'est des gens qui suivent la voie de Hassan al-Banna. At-Tilmistani, c'est un soufi qui a été un des successeurs de Hassan al-Banna. Fath Yakan, c'est un des chefs des Ikhwan au Liban. Et Issam al-Oryan, celui-là, je ne le connais pas. Mais ils font tous partie de cette tendance, des gens qui appellent à la démocratie. Et le cheikh, il dit que si vous voulez voir les paroles de ces gens-là, regardez dans le livre At-Tariq ila Jama'at al-Umm, la page 52 à 66, et vous allez voir leurs paroles sont mentionnés là-bas. Après, le chef il dit, bal yamtadu hadha al-manhaj ila yawmina hadha haythu su'ila. Ah oui, il dit que également on a trouvé même dans les jusqu'à aujourd'hui des gens qui appellent à ce manhaj, comme par exemple lorsqu'on a demandé à Abdul Majid Az-Zindani dans une entrevue qui a été faite avec le magazine qui s'appelle Al-Mustaqbal. On lui a demandé c'est quoi votre point de vue au sujet de la démocratie. Il a répondu en disant on l'a accepté et les ulama de la on l'accepte et les ulama du Yémen l'ont accepté. Lorsque on leur a dit ou lorsqu'on nous a dit ceci c'est la shura, et la démocratie c'est la shura, c'est-à-dire le principe de shura dans l'islam. Et donc ça c'est sa réponse qu'il a donnée au magazine. Et ça, on va mentionner la citation de ça en détail lorsqu'on va lire dans le prochain chapitre, Inch'Allah, la discussion des paroles de Az-Zindani à ce sujet-là. Et donc, ça indique que même dans d'autres pays, bon, les Ikhwan, c'est comme ça leur manhaj, ça y est. Et après, il dit, « Thumma qala ar-Rahal, وإذا قلنا جدلا إن المشاركة الإسلاميين إن مشاركة الإسلاميين المجلسيين في الحكم الديمقراطي قد وقع في بلد ما وكان ذلك سبب الضرورة فكيف حدثت هذه الضرورة نفسها في جميع البلاد التي للحركات الإسلامية فيها وجود ودعوة فتبين من مجموع ما ذكرت أن هذا الخط الديمقراطي الذي سلكته بعض الجماعات الإسلامية ما سلكته إلا باعتباره منهجا اعتمدته كوسيلة رئيسية للتغيير. Donc le cheikh il dit comme il mentionne les paroles de Ar-Rahal, il dit si on acceptait juste dans le but de disons juste pour argumenter. Si on prétendait que oui, bon, il y avait certains partis parmi les islamistes qui sont rentrés dans le système, dans le parlement et dans le système démocratique ou dans le gouvernement démocratique dans un pays en particulier à cause de quelque chose qui avait rapport avec la nécessité. Si on acceptait justement que ça se pouvait, que ça aurait pu arriver dans un pays en particulier. Est-ce qu'on peut comprendre, comment on peut comprendre par la suite que cette nécessité-là, elle s'est reproduite à chaque fois dans tous les autres pays où on retrouve un mouvement islamiste dans lequel il y a une présence de ces groupes islamistes-là et dans lesquels il y a la présence de cette da'wah. Hein? Comment cette même nécessité-là, elle se reproduit à chaque fois quand ils sont présents dans une société islamique, il y a toujours cette nécessité-là qui apparaît comme par magie, comme tout à coup. Hein, ça, c'est la preuve que c'est pas uniquement une nécessité. Hein, c'est quelque chose qui, quand on réunit tout ça ensemble et qu'on regarde tout ce qu'on a mentionné au sujet de ce qu'on a mentionné comme argument, comme preuve de la parole des paroles même de ces fondateurs-là, de ces groupes-là, il y a des gens qui font partie des membres de ces groupes-là. On observe tout ça, puis on remarque que la question de la voie de la démocratie pour eux, c'est une voie qu'ils ont décidé de suivre, hein, et que certains groupes islamistes l'ont suivi en considérant que selon eux c'était une voie qui faisait partie de leurs piliers et que c'était un de leurs moyens principaux qu'ils utilisaient pour arriver à un changement dans la société. En ce qui concerne le deuxième point, le cheikh dit « قلت أما الأمر الثاني فقد تقدم الكلام عليه في الرد على الشبهة السابقة » Donc, en ce qui concerne l'autre question, au sujet de dire que si on ne rentre pas, ça va laisser la place aux ennemis de la da'wah ou aux ennemis de l'islam, on en a parlé dans le point précédent, donc on n'a pas besoin de répéter encore une fois. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui encore, puis on continuera. Bon, on n'a pas réussi à terminer le chapitre aujourd'hui parce que j'ai fait des commentaires à propos de certains points, puis ça a fait qu'on a dépassé un peu dans le temps, mais bon, c'est pas grave puisque de toute façon on aura l'occasion, Inch'Allah, de compléter le chapitre la semaine prochaine, bi'idhnillah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.